Bonjour, vous êtes bien sur Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne et vous écoutez l'émission du Grémos aujourd'hui de midi jusqu'à 13h. Cette émission sera rediffusée aujourd'hui même à 17h. Voilà, donc le Grémos, on vous le rappelle, c'est le groupe de recherche et d'études sur les mémoires des mondes ouvriers stéphanois. Et aujourd'hui, on va faire suite à deux émissions qui avaient eu lieu il y a fort longtemps, en janvier et février 2011, qui parlaient des syndicats, de leurs activités, de leur attitude dans la Loire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on avait envie ensuite de parler des suites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de la reconstruction des syndicats ouvriers dans la Loire après la libération, donc après la guerre de 39-45. Donc il faut rappeler que pendant la guerre, les confédérations syndicales étaient interdites et seuls existaient toujours officiellement les syndicats qui adhéraient à la Charte du Travail, un ensemble de mesures promulguées par le régime de Vichy. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler avec Jean-Michel Stenner et Jean-Paul Bentière du Grémos, de la CGT et de la CFTC. Donc Jean-Michel nous parlera plus de la CGT et Jean-Paul Bentière de la CFTC. Jean-Michel, donc tous deux sont historiens. Jean-Michel a entre autres réalisé une thèse sur l'histoire du Parti communiste de 44 à 58 dans la région stéphanoise. Et Jean-Paul Bentière, tu es en cours de réalisation d'une thèse sur l'histoire de l'union départementale de la CFDT de la Loire, voilà, entre 69 et 88. Donc, pour parler de la reconstruction des syndicats après la Seconde Guerre mondiale, on voulait revenir aussi à l'origine de ces deux syndicats et revenir un petit peu sur leurs activités pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Jean-Michel, je te laisse la parole. Reconstruction ou réapparition au grand jour, en fait, c'est les deux qu'on peut mentionner ici. Et je pense que pour démarrer, il faut bien réfléchir à travers deux approches. D'abord, quel syndicalisme parle-t-on ? Donc Jean-Paul, tu vas parler plutôt de la CFTC, moi plutôt de la CGT. Donc de quel syndicalisme parle-t-on ? Il faut rapidement expliquer d'où viennent ces syndicats. Et puis ensuite, quels ont été les effets de la guerre ? Je crois que la première chose, c'est de rappeler que depuis que le syndicalisme existe, c'est-à-dire officiellement depuis les années 1880, il a toujours porté un espoir d'unité. C'est la grande idée. Je pense qu'il faut qu'on parte de là. La grande idée des syndicats, des syndicalistes, c'est de construire l'unité de la classe ouvrière face au pouvoir du patronat. Et quand la CGT naît en 1895, c'est vraiment des thèmes majeurs de ce syndicat. Or, la CGT a connu une succession de crises, de scissions et de réunifications entre 1914 et 1945. Très rapidement, donc la crise de la scission de 1922 qui aboutit à la création de la CGTU proche des communistes et donc de deux tendances finalement, ceux qu'on appelle les confédérés qui sont les tenants de l'ancien syndicalisme et puis les unitaires qui sont les tenants d'un syndicalisme très lié au parti politique et notamment au parti communiste. Cette scission est effacée en 1935 avec la réunification, congrès de Toulouse, début 1936. Et de nouveau, la scission se dessine en 1938-39 avec deux événements importants. D'abord, la grève du 30 novembre 1938, qui a été une grève qui avait une connotation politique très forte, à la fois de lutte contre les décrets-lois de Daladier qui revenaient sur les 40 heures, et puis de mobilisation, je dirais, antifasciste. Et puis 1939, c'est la vraie rupture autour du pacte germano-soviétique, puisque la CGT les communistes de la CGT, après quelques jours d'hésitation, vont finalement largement suivre la thèse défendue par l'Union soviétique dans cette affaire et donc se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis du pouvoir. Donc tout ça, c'est le contexte. Donc deuxième scission, et on arrive à la guerre. On arrive à la guerre avec une donnée nouvelle qui est que le régime de Vichy, qui est fortement inspiré par les thèses d'une certaine extrême droite de l'avant-guerre, se précipite pour finalement interdire les syndicats. Dès le mois d'août 1940, les confédérations sont interdites. Non seulement les interdire, mais en plus proposer et imposer sa vision des rapports sociaux. C'est la fameuse charte sociale qui est présentée à Saint-Étienne le 1er mars 1941 par Pétain lui-même et qui est mise en place à partir du mois de mai 1941. René Belin, qui est le ministre du Travail, venant à Saint-Étienne en juillet 1941 pour mettre en place les premières... René Belin, ancien de la CGT. Tout à fait. René Belin, ancien de la CGT. Et donc, voilà, ce qui va se produire à l'intérieur de la CGT, c'est le débat sur qui a trahi. Est-ce que c'est les communistes qui ont trahi en soutenant le pacte germano-soviétique, ou est-ce que c'est certains syndicalistes, pas tous, mais certains syndicalistes qui ont trahi en s'engageant aux côtés de Pétain? Et c'est tout ce qui va se jouer au lendemain, enfin à la fin de la guerre. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement quel était le contenu de cette charte du travail, ce qu'elle mettait en place? Alors, cette charte du travail prétend en fait supprimer la lutte des classes en faisant travailler ensemble patrons et ouvriers et employés. Elle met également en place quelque chose qui ne sera pas appliqué, qui est un salaire minimum. Et donc, elle interdit les confédérations, mais alors, pour moi qui ai repris des archives du bureau de l'UDCFTC, donc aux archives départementales de la Loire, si on prend les comptes rendus, plutôt les notes prises lors des réunions, on a l'impression d'un bureau de l'UD qui tourne légalement et qui a des contacts avec la préfecture pour des demandes de subventions, qui se plaint d'avoir été invité trop tard lors de la visite de Pétain à Saint-Étienne en 1944, enfin, qui a des contacts avec la préfecture. Et d'autre part, dans un entretien que j'avais eu il y a quelques années avec René Cadéo m'avait dit que lui, en ce qui concerne le fonctionnement... Qui est René Cadéo ? Alors, voilà. Il a été secrétaire du syndicat du livre CGT de Saint-Étienne pendant une large partie de l'après-guerre. Il était déjà au syndicat du livre avant la guerre 39-45. Et il a été à la fois résistant et en même temps, officiellement... Le syndicat du livre CGT a continué à exister pendant la guerre. Et alors, je reparlerai de la CFTC plus tard. Pour prolonger ce que vient de dire Jean-Paul, on peut dire que finalement la charte du travail, il y a deux types d'attitudes. Soit on y adhère complètement. Et c'est donc une petite minorité quand même de la CGT. Mais à Saint-Étienne, ça a été assez important puisqu'ils ont administré la Bourse du Travail, ce qui va leur être reproché à la libération par les communistes. Soit on y adhère de façon formelle comme une espèce de couverture pour pouvoir quand même avoir des actions qui sont des actions clandestines, en ayant cette couverture légale qu'offre timidement, quand même, il faut le dire, la charte du travail. À la CFTC, je n'ai pas spécialement recherché sur cette période, mais il y a quelqu'un dont on parle qui était quelqu'un de relativement important, qui s'appelait Pérez, et qui est devenu lui aussi un partisan de la charte du travail. Le secrétaire de la CFTC, d'après les sources que j'ai vues, refusé la charte de travail. Oui, c'est ce qu'on disait précédemment hors micro, c'est que finalement la charte du travail va mettre en porte-à-faux aussi la CFTC, puisque quelque part il y a un retour aux certaines sources de la CFTC, c'est-à-dire à la volonté de faire travailler, comme tu l'as dit, les patrons et les ouvriers main dans la main. Mais bon, ce n'est pas la même approche, celle qui vient de l'encyclique Rerum Novarum, que celle que Pétain veut avoir. Celle de Pétain est plus proche du corporatisme à la mode mussolinienne ou salazariste. Donc, justement, pour travailler là-dedans, on va d'abord revenir sur la CFTC, peut-être, sur l'origine de la CFTC. Donc, l'origine de la CFTC, tu faisais référence à l'encyclique Rerum Novarum. Voilà, donc la CFTC, c'est au départ un syndicalisme principalement d'employés. Avant la guerre, il y a un syndicat d'employés du commerce et de l'industrie qui se crée avant la guerre de 1914-1918. Et la CFTC, en tant que telle, va apparaître comme confédération en 1919 en regroupant des syndicats qui viennent de ce syndicat des employés du commerce et de l'industrie et puis des syndicats qui existaient en fait en Alsace et Lorraine occupés par l'Allemagne jusqu'en 1918. Donc la CFTC naît en 1919, c'est un syndicat catholique, c'est une confédération catholique. Des premiers syndicats apparaissent dans la Loire à partir de 1919. C'est une curiosité, il y a à la fois des syndicats féminins et des syndicats masculins. On est partagé. Et il y a à cette époque deux unions départementales, une féminine et une qui est masculine. C'est un syndicalisme qui est plus près des études, de la collaboration, de la collaboration pour essayer d'éliminer des injustices, que de la lutte de classe. La cogestion, on dirait. De la cogestion. Mais on peut quand même parler d'un personnage qui a été très original dans cette histoire-là, c'est Jean Pralon. C'est Jean Pralon qui est un employé qui est secrétaire de l'UD masculine de la Loire de 1922 à 1932 et qui va être obligé de quitter son poste parce qu'il se présente à des élections en 1932 sous l'étiquette Jeune République. Alors, je crois qu'il faut dire un mot de Jeune République. C'est un parti politique, un petit parti politique chrétien de gauche qui, lui, accepte la lutte de classe, qui va faire alliance, qui va participer au Front populaire. Mais les pressions sont telles à ce moment-là, à l'extérieur de la CFTC et à l'intérieur de la CFTC, que Jean Pralon va être obligé de quitter son poste de secrétaire général de la CFTC en 1932. Et donc, on va être nommé à ce poste-là en 1932, Éloi Chacornac, qui restera secrétaire général de la CFTC jusqu'en 1946. Éloi Chacornac étant ce qu'on appelle à l'époque un démocrate populaire, en gros, c'est les ancêtres d'un parti qui va exister pendant la 4e République et qui s'appelle le Mouvement Républicain Populaire, dont certains partisans auront participé à la résistance et c'est un parti qui va se droitiser en fait au cours de la 4e République. Mais bon, on reviendra là-dessus. Oui. Tu reprends la parole. Pour les auditeurs, on peut dire que ça nous amène jusqu'à François Bayrou, le MRP, voilà. Quelque part. Ouais. Oui, donc la question qui se pose, c'est comment résister et comment sortir de la guerre. C'est ça pour les syndicats. Pour la CGT communiste, l'organisation est nécessairement clandestine. Les communistes sont parmi les ennemis désignés, les cibles principales du régime de Vichy. Pour d'autres, je dirais pas que c'est plus facile, mais disons qu'il y a quand même certaines facilités qui existent du fait d'une apparence officielle à travers les syndicats de la charte du travail. Alors, si j'en reviens à la CGT, donc la scission 38-39, très rapidement, cette scission va être effacée par la répression antisyndicale de Vichy. Et si certains syndicalistes confédérés vont s'engager dans la collaboration avec Vichy, beaucoup d'autres vont s'engager dans la résistance. Et donc se pose la question de la reconstitution de l'unité, de la réunification. Et elle passe en avril 1943 par ce qu'on appelle les accords du Perreux, qui ont été signés dans la région parisienne par deux dirigeants confédérés et deux dirigeants unitaires, donc qui recréent la CGT telle qu'elle était en 1936, au moment du Front populaire, en accordant donc aux syndicats qui vont se reconstituer après la libération un principe qui est que les dirigeants d'avant-guerre, dans la mesure où ils auront survécu à la guerre, reprendront leur place. C'est comme ça qu'à Saint-Étienne, je fais juste ce pont pour montrer comment ça se passe sur le plan institutionnel. Donc le secrétaire de l'UD, qui s'appelait Marcel Thibault, qui a été arrêté par Vichy en octobre 1940, qui a été emprisonné, qui a été déporté dans un bagne dans le sud de l'Algérie. Souvent, on oublie qu'il y a eu aussi des camps de concentration organisés par Vichy. Là, c'était dans le sud de l'Algérie. Donc Thibault revient en septembre 1944 et dès le mois d'octobre, il retrouve sa fonction de principal secrétaire de l'UD CGT. Une UD qui est reconstituée dans son unité, c'est-à-dire que il n'y a plus de distinction théorique entre communistes et socialistes. Je fais un petit retour en arrière avec le manifeste des 12. Au moment de la promulgation de la charte par Vichy, il y a une réunion qui va se traduire par un communiqué. Alors, je pense signe ce communiqué des majoritaires de la CGT avec des dirigeants de la CFTC qui proclament leur opposition à la charte du travail et leur attachement à un syndicalisme libre. Donc, et parmi les secrétaires, donc il y a Gaston Tessier qui est si je ne me trompe pas, le président de CFTC. Et puis, il doit y avoir Louis Saillant de la CGT. Et voilà. Mais donc, il y a ce manifeste des 12 qui signifie l'attachement d'un certain nombre de dirigeants des deux confédérations à un syndicalisme indépendant et leur opposition à la charte du travail. Oui. On peut dire quelques mots de la CFTC pendant la guerre à Saint-Étienne. Pendant la guerre, une CFTC qui a l'air d'être installée officiellement, qui a des rapports avec la préfecture, dont le secrétaire général est Éloi Chacornac, dont le président est Alain Badiou. Et donc, si on va voir les notes prises dans les bureaux de la CFTC jusqu'à la libération de Saint-Étienne, c'est-à-dire en août 1944, on a l'impression que les choses tournent sans problème. En même temps, existe à Saint-Étienne ce qu'on appelle les équipes chrétiennes de résistance. Et alors, dans les équipes chrétiennes de résistance, par exemple, Éloi Chacornac fait partie des équipes chrétiennes de résistance. Ces équipes chrétiennes de résistance regroupent en fait des militants chrétiens, alors de la CFTC, de Jeune République, on en a parlé tout à l'heure, de la JOC, du Mouvement Populaire des Familles, et ont des attitudes, des actions résistantes qui sont très, très variées. Pour certains, alors ça, on n'a pas parlé de nos sources, mais si on lit un interview qui a été fait au niveau confédéral de la CFDT de Jean Rochatin, qui va devenir le dirigeant des mineurs de la CFTC, lui dit « Oh, notre résistance, ça se limitait à diffuser Témoignages chrétiens. Mmh. Témoignages chrétiens, qui est un hebdomadaire chrétien de la résistance. Claudius Ravachol raconte lui aussi que ça a été son activité résistante. Par contre, quelqu'un comme Jean Pralon, dont on a parlé tout à l'heure, a participé à des organisations de résistance. Mmh. Il y a deux dames qui étaient justement à l'UD féminine de la CFTC, qui s'appellent les Sœurs Hortier, mmh. qui ont reçu Jean Moulin chez elles et qui ont été emprisonnées. Alors, ça, c'est source, la source étant là, les 150 ans de lutte ouvrière, c'est-à-dire écrit par des gens qui ont de la CFDT. Peut-être tu mets en doute la source. Non, je pense que ce n'est pas l'objet du débat. Oui. Je voulais juste te dire, pour montrer la complexité de cet engagement, hein, parce qu'on a des, comme le dit Jean-Paul, à la fois des organisations proches du Parti communiste, des organisations proches des chrétiens, mais par exemple le témoignage de Paul Alvernia à la Libération, qui est un militant de la CFTC, qui explique que lui, il était engagé dans le Front National, qui était une organisation liée au Parti communiste. D'accord. Donc en fait, la résistance, c'est aussi un peu, on prend en fonction des contacts qu'on a, étant donné les conditions de vie quotidienne, on rencontre un militant du Front National. Pour l'indépendance de la France, bien sûr, je parle du Front National de 1941, et on s'engage à ses côtés parce que c'est toujours compliqué de trouver des contacts. Donc, Paul Alvernia s'est engagé dans le Front National. Donc, il y a quand même cette communauté de lutte, hein, entre résistants, qui fait que, pour en revenir à notre préoccupation principale, qui fait qu'en 1944, l'idée d'une unité du syndicalisme est tout à fait envisageable. Alors, elle était, si on peut faire un peu le point à ce moment-là, elle était envisagée, elle était réalisée à l'intérieur de la CGT, et la CGT pensait qu'elle allait pouvoir être possible avec la CFTC. En réalité, ce qui va se passer, c'est que non seulement elle ne se réalisera pas avec la CFTC, mais en plus, elle va de nouveau éclater à l'intérieur de la CGT. Vous voulez faire une petite pause musicale, c'est ça? Allons-y. Oui. Alors, moi, avant, je vais vous poser une question, justement, parce que moi, je serais bien revenue quand même sur ce débat. C'est qu'il semblerait que, surtout, une question qui doit se poser toujours pour les historiens, mais peut-être encore plus sur cette période de guerre, c'est celle des sources. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ce qui était clandestin ou pas, c'est-à-dire qu'il y avait soit les personnes pouvaient collaborer avec le régime, soit les personnes pouvaient résister. En général, c'était probablement beaucoup plus complexe que ça. Et en plus, elles pouvaient montrer ou pas, selon les risques qu'elles prenaient, elles montraient ou pas ce qu'elles faisaient et quelles étaient leurs prises de position. J'imagine qu'après la libération, il a fallu montrer un autre visage, retourner sa veste, entre guillemets, ou pas. Les mêmes positions étaient plus aussi légitimes qu'avant, etc. Et donc j'imagine que pour les historiens, c'est délicat ça dépend des sources qu'ils ont. Comment est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'on doit prendre position? Oui, je ne sais pas si c'est clair. Bien sûr que c'est toujours délicat dans les périodes de clandestinité de trouver les sources. On en a quand même plus facilement sur les syndicats ouvriers qu'on en a sur les maquis ou sur les groupes clandestins. Parce que les syndicats ouvriers ont d'abord une tradition de constitution de sources, de constitution de compte rendu. Et donc, si on prend le cas qui nous intéresse, il y a un historien stéphanois qui s'appelle Hervé Blétry qui a travaillé sur les comptes rendus des réunions du bureau de la commission exécutive de la CGT, et il a eu accès, donc, à ses comptes rendus sont conservés à l'Institut CGT d'Histoire Sociale. Il a pu donc faire son mémoire de maîtrise il y a 25 ans maintenant sur ce thème-là. D'autre part, l'Institut CGT d'Histoire Sociale que j'ai cité publie régulièrement des sources. Donc là, ils ont consacré en octobre 2011 un petit dossier sur la charte du travail. dans lequel on trouve des documents qui sont des comptes rendus de la minorité qui c'est de l'UD de la Loire, qui fait un peu une sorte d'état des lieux, de l'attitude des majoritaires qui collaborent dans le cadre de la charte du travail. Et bien sûr, puisqu'on est ici, puisqu'on est au Grémos, on pourra rappeler aussi qu'on incite fortement tous ceux qui nous écoutent, et on espère qu'ils sont nombreux, s'ils ont des documents, à les verser, et à les verser, on insiste bien, à un centre d'archives publiques, comme les archives municipales de Saint-Étienne ou les archives départementales de la Loire. J'imagine que pour la CFTC, tu as eu donc... Pour la CFTC, il y a des notes prises lors des réunions de bureau qui commencent en 1943. Il y a la même chose, mais ça arrive plus tard, ça arrive après 1944, donc je ne vais pas en parler ici. Et puis, peut-être, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a pu... Alors, dans le temps, ont été réalisées des interviews de militants de l'époque. Sûr. Moi, je sais qu'avant sa mort, j'ai pu interviewer René Cadéo, dont on a parlé tout à l'heure, qui était un très vieux militant. J'ai interviewé Jeannette et Claudius Ravachol. Donc, Claudius Ravachol est mort l'année dernière. Et on a pu... au niveau de la CFDT... ont été interviewés des gens qui vont être importants au niveau de l'UD de la Loire. Alors, c'est René Matvey, mais lui, il n'est pas concerné par la résistance, il était prisonnier en Allemagne. Mais Marcel Gonin, qui raconte, en fait, le SDO et puis son retour. Donc, il y a aussi ces interviews d'anciens militants en plus des archives. Je mentionnais un livre qui a été fait... par des dirigeants de la CFDT, donc ce livre date de 1977, ça s'appelle « 150 ans de lutte ouvrière dans la Loire ». Et pour réaliser ce livre, ils ont pu, eux, interviewer un certain nombre d'anciens militants qui ont disparu maintenant. Voilà. Donc on a quand même, même si c'est difficile, un certain nombre de matériaux là. Ok, ben écoutez, on va faire une pause musicale proposée par Jean-Michel. On va écouter une chanson de Pete Seeger. La chanson s'appelle Beans, Bacon and Gravy. I was born long ago in 1894. I've seen many a panic I will own. I've been hungry, I've been cold, and now I'm growing old. But the worst I've seen is 1931. Oh, those beans, bacon and gravy, they almost drive me crazy. I eat them till I see them in my dreams. When I wake up in the morning and another day is dawning, I know I'll have another mess of beans. Well, we congregate each morning at the county barn at dawning. Everyone is happy, so it seems. But when our day's work is done and we file in one by one and thank the Lord for one more mess of beans. Oh, those beans, bacon and gravy, they almost drive me crazy. I eat them till I see them in my dreams, when I wake up in the morning and another day is dawning, I know I'll have another mess of beans. We've hooverized on butter, and for milk we've only water, and I haven't seen a steak in many a day. As for pies, cakes, and jellies, we substitute sow bellies, for which we work the county road each day. Oh, those beans, bacon, and gravy, they almost drive me crazy. I eat them till I see them in my dreams, when I wake up in the morning and another day is dawning, I know I'll have another mess of beans. If there ever comes a time when I have more than a dime, they will have to put me under lock and key. For they've had me broke so long, I can only sing this song of the workers and their misery. Oh, those beans, bacon and gravy, they almost drive me crazy. I eat them still, I see them in my dreams, when I wake up in the morning and another day is dawning, I know I'll have another mess of beans. Et voilà, donc c'était Pete Seeger. On va revenir en France et on va revenir en France pendant la Seconde Guerre mondiale et à la Libération. Comment se reconstruisent les syndicats dans la Loire ? Donc avec Jean-Paul Bentière et Jean-Michel Stenner du Grémos. Donc je vais parler de la CGT, Jean-Paul parlera ensuite de la CFTC, puis on va essayer aussi de voir comment les rapports s'établissent. Je crois que ce qu'il faut bien dire sur la CGT, c'est d'abord la nette poussée du nombre des adhérents. Ici, j'ai le travail qui a été fait par Antoine Pro en 1994 sur les effectifs de la CGT. Et donc, en ce qui concerne le département de la Loire, on n'est pas loin de 90 000 adhérents. Contre 80 000 en 1937, et je ne sais pas combien on en est aujourd'hui, mais c'est nettement inférieur. Alors la presse du parti de la CGT dit souvent 100, 120 000, mais donc les travail d'Antoine Pro est extrêmement fiable. Ce que je voudrais dire, c'est d'une part que ça classe la Loire parmi les tout premiers départements en France, notamment si on tient compte du taux de syndicalisation. Donc il est le rapport entre les syndiqués CGT et la population en 46, c'est 12,29% dans la Loire. Il n'y a que la Seine, le Rhône et l'Hérault qui dépassent la Loire. Et d'autre part, la Loire fait partie des rares départements, ça c'est une autre caractéristique intéressante, des rares départements fortement syndiqués avant la guerre, qui a une augmentation. Parce que, par exemple, la CGT perd des adhérents dans le Rhône. Elle passe de 200 000 à 137 000. Et dans l'ensemble de la région parisienne, de 1 250 000 à 956 000. Donc, il y a une poussée nette de la CGT, mais assez étrangement, elle a pas lieu dans les anciennes régions industrielles, hormis la Loire. Alors, d'autre part, cette poussée, elle se traduit surtout au profit des militants unitaires, c'est-à-dire des militants proches du Parti communiste. Et alors, dans la Loire, c'est très net, c'est 100% quasiment, ou à peu de choses près. Le bureau, en tout cas, qui est créé en 1944, est un bureau qui est à 100% communiste. Marcel Thibault, j'ai dit tout à l'heure, secrétaire général. On a ensuite Raymond Morel, Louis Duchesne, Louis Guyon, qui sont associés donc à ce bureau, qui sont tous liés au Parti communiste. Et ensuite, si on regarde les dirigeants des fédérations de métiers, Jean-Pierre Roussillon pour les métallurgistes, Louis Guyon pour les mineurs, Angèle Grousset pour le textile, François Royer qui travaille dans le domaine de ce qui va devenir la sécurité sociale, et puis aussi les dirigeants du syndicat très important pour la ville de Saint-Étienne, de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, donc notamment Louis Cussonnet. Donc une très nette prépondérance des communistes. Et puis il y a deux choses qui vont marquer cette idée à la Libération. C'est d'une part, et Hervé Blétry le montre très bien, une épuration réelle et rapide, une épuration qui a touché en fait surtout les syndicalistes ex-majoritaires, ex-confédérés. Si je reprends un passage que dit Blétry, toutes les exclusions frappèrent des militants ex-confédérés qui ont pris à des degrés divers des responsabilités dans le syndicat officiel CGT de la période d'occupation, et qui étaient de farouches opposants à la direction communiste de l'UD d'avant-guerre, comme Garnier, Thévenon, Lheureux. Les deux derniers, Thévenon et Lheureux, devenant des cibles de prédilection des syndicalistes CGT, y compris pendant jusqu'à la grève des mineurs de 1948. Donc épuration. Et puis la deuxième chose, c'est cette CGT. Alors ça, c'est assez important pour comprendre la suite. Elle s'engage à fond, mais quand je dis à fond, c'est vraiment à fond dans l'effort de guerre. Donc Marcel Thibault appelle les ouvriers stéphanois à faire s'engager à produire dès le mois d'octobre 1944. Benoît Frachon vient dans la Loire pour relancer tout ça. Et c'est vraiment le thème de prédilection, le thème de propagande majeure. Et bien sûr, cela a un rapport avec le fait qu'il y a des ministres communistes dans le gouvernement provisoire. D'accord. Alors, si je prends... je peux mettre en comparaison par rapport à ce qu'a dit ce que vient de dire Jean-Michel. Il l'a poussé au niveau des adhérents, existe également à la CFTC. Alors, au premier congrès qui se passe dans l'été 45, Éloi Chacornac parle de 31 000 militants. Et Hervé Blétry cite ce nombre pour dire qu'il est sans doute très fortement exagéré. Et il préfère parler de 20 000 militants comme le livre dont je 20 000 adhérents comme le livre dont je parlais tout à l'heure, ce qui représente une poussée importante, puisque il semble-t-il la CFTC était arrivée autour de 10 000 adhérents à la période du Front populaire. Bien, donc une poussée importante du point de vue politique. Le glissement qui va apparaître en 1945, avec le retour de quelqu'un qui s'est fait connaître dans la CFTC par sa participation à la grève de Manu France de 1937. C'est René Matvé. René Matvé était en captivité en Allemagne. Il rentre à Saint-Étienne et en 1945. Et il est immédiatement dans le bureau de l'UD et il va se passer très rapidement un conflit. Alors je cherche dans mes notes pour replacer ce conflit. En 1946, dans le bureau de l'UD, on fait état d'une discussion très violente. On ne dit pas quelle elle est. Hervé Blétry n'est pas au courant non plus d'une discussion très violente entre Éloi Chacornac et René Matvé. Et cette discussion très violente se termine par la démission en septembre 1946 d'Éloi Chacornac de son poste de secrétaire général et l'élection au mois d'octobre de René Matvé. Tu veux dire quelque chose ? Moi, j'ai une petite idée. Ah. Hein. Je pense que les raisons politiques sont derrière. Parce qu'on est en juin 46, en mai 46, le premier projet de constitution a été rejeté, auquel le PC et la SFIO appelaient à voter oui, mais le MRP appelait à voter non. Et c'est Georges Bidault, député de la Loire, qui est président du Conseil à partir de juin 46, et Éloi Chacornac, le MRP local et la Dépêche démocratique soutiennent à fond Georges Bidault. Et il me semble me souvenir que les militants ouvriers de la CFTC ne sont pas du tout d'accord avec cette ligne-là. Alors voilà. Ça doit y avoir, un rapport. Et tout à fait, parce que cette affaire est précédée d'une réunion en comité régional où il y a divergence là-dessus. Et où ceux qui sont où René Matvé et d'autres personnes en fait se battent pour l'incompatibilité des mandats politiques et syndicaux. Et en fait, effectivement, c'est une tradition du syndicalisme révolutionnaire d'avant 14. Absolument. Que devrait porter la CGT justement. Voilà. Et donc, alors ça va se traduire dans la Loire par le départ d'Éloi Chacornac, par on va dire. Un bureau qui ne va pas changer énormément, mais dont le secrétaire général va être René Matvé. Et par le fait que la prépondérance dans ce bureau va être va advenir à des personnes autour de René Mathevé qui vont en fait d'une certaine façon aller vers une sortie de la CFTC du mouvement catholique. C'est-à-dire que on peut dire que dans cette période-là, dans ces deux années-là, il y aurait pu y avoir un grand mouvement catholique avec l'Église, avec les cercles paroissiaux, avec la JOC, avec le MRP, avec un réseau de coopératives. Et alors, ça, c'est... Démocratie chrétienne à la française, quoi. Voilà. Et ça, c'est une discussion avec Pierre Héritier à propos d'un ancien dirigeant de la CFDT qui s'appelle Étienne Chauvet, qui est mort maintenant, qui dit que Étienne Chauvet et René Mathevé ont fait partie des gens, et Marcel Gonin, qui va arriver à ce moment-là au bureau CFTC, ont fait partie des gens qui n'ont pas voulu de ce système et qui font une sortie de ce système, en fait, pour revenir effectivement à la tradition du syndicalisme indépendant et indépendant à la fois à l'égard de l'Église et à l'égard des partis politiques. Alors, ça aura des variations et dans le temps, hein. Mais c'est un point très important. À quoi il faut rajouter que René Mathevé et Marcel Gonin, dont je viens de parler, vont adhérer à une, on pourrait appeler ça, à une tendance à l'intérieur de la CFDT qui s'appelle Reconstruction, qui est créée par un historien, Paul Vigneault, en 1946. Et cette tendance Reconstruction va lutter pour donc l'indépendance de la CFTC par rapport à l'Église et aux partis politiques et pour la déconfessionnalisation de la CFTC, en fait. Il s'agit de transformer Paul Vigneault pense, alors c'est par rapport à notre thème de l'unité de la division syndicale, Paul Vigneault pense que la CGT étant sous l'emprise, alors à Jean-Michel de voir comment il prend ses mots, du Parti communiste, la CFTC peut se transformer en peut reconstruire un syndicalisme de masse indépendant et avec l'idée à terme d'une unité syndicale qui récupère la tradition. Voilà. La tradition d'autonomie et du syndicalisme révolutionnaire d'avant 14. Mmh. Je pense que c'est un élément important pour expliquer l'évolution dans les années qui suivent de la CFTC vers la CFDT. Et je crois que Héritier est assez sur cette ligne-là dans son livre. Et si on en revient aux semaines qui suivent la libération, je crois que si on veut mettre les deux syndicats en parallèle, il y a le témoignage donc d'Alvernia que j'ai cité tout à l'heure, qui dit quand même que à la libération, la CFTC a été surprise par la rapidité de la remise en place de l'appareil de CGT. La CGT avait tout préparé dans la clandestinité, et donc il y a une compétition qui s'engage à ce moment-là. Il y a une compétition qui s'engage, et il est certain que la CGT avait dans l'optique d'arriver justement à cette réunification en présentant un syndicat massif avec une petite CFTC qui n'aurait été que contrainte finalement de rentrer. Et donc rentrer dans la CGT. Et donc dès le début 45, la CGT va proposer une union organique, hein, c'est-à-dire la fusion finalement de la CGT et la CFTC. C'est là que tu vas nous dire un petit peu comment réagit la CFTC à la fois sous le plan des principes, et puis comment, je peux, d'un point tactique, je peux expliquer comment aussi ils ont réagi assez habilement. Alors, il me semble que c'est la proposition au niveau national date de septembre 1944, au niveau confédéral, hein, la proposition de fusion organique. Et ensuite, elle sera reprise plusieurs fois dans la Loire. Et alors, sous des formes diverses, parce qu'il y a à la fois des formes d'invitation et puis des formes de pression. L'injonction. Des formes d'injonction. Mmh. Et puis, à certains, ce que racontent des militants comme Jean Rochatin ou comme Claudius Ravachol ou comme Marcel Gonin, c'est que pour prendre la parole dans les fêtes de mineurs ou pour prendre la parole à la masse ou pour ne pas participer à un débrayage où on est fortement convié à participer à la masse, c'est extrêmement difficile. Pour acquérir des salles de travail ou pour le syndicat CFTC à la masse, c'est très très difficile. Donc il y a un certain nombre de pressions et... On peut rappeler que la CGT est seule locataire de la Bourse du Travail à cette époque-là. J'allais y penser. Pendant cette époque, la CFTC n'arrive pas à rentrer à la Bourse du Travail et, alors si je vais un petit peu plus vite... FO y rentrera, la CGT-FO qui va se former donc fin 47 dans la Loire n'y rentrera que de nuit par effraction en occupant les bureaux dans la nuit, quoi. Donc il y a un certain nombre de pressions. Alors du point de vue de la CFTC, je crois qu'il faut dire que d'une part, évidemment, les gens de la CFTC qui étaient proches du MRP, pour eux, il n'est pas question de rentrer dans la CGT. Mais je parlais tout à l'heure des gens qui sont proches du courant reconstruction. Je crois qu'eux aussi, ils ont l'ambition de construire un syndicalisme indépendant. Donc, ils vont refuser. Alors, je fais état aussi d'une interview de Claudius Ravachol, qui pourtant, plus tard, passera à la CGT, mais qui, à ce moment-là, me dit « Mais... on ne pouvait pas accepter comme ça d'aller dans un syndicat dépendant en fait du Parti communiste. Nous, à la JOC, on avait lu Gide, le retour du RSS. On savait ce qui s'était passé avec les procès de Moscou. On savait un certain nombre de choses et on était pour un syndicalisme révolutionnaire mais indépendant. Voilà. Quand même, je pense que. Malgré tout, ces militants, ces dirigeants de la CFTC restent marqués par leur formation chrétienne. Malgré tout, même s'ils sont plus ou moins pratiquants. Oui. Et donc la dimension athée militante du communisme soviétique joue un rôle aussi. Bien sûr. C'est important. Je crois que ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que la CFTC, comme tu as très bien dit... les militants de la CFTC se trouvent confrontés dans des situations extrêmement dures dans les entreprises, dans les débats et tout. Mais ils ont un levier très important qui est le journal, la Dépêche démocratique. Il y a un quotidien qui soutient leur thèse et qui dans lesquels il y a des plumes intéressantes, hein, comme Barthélémy Ott, donc professeur d'allemand, qui explique ce que c'est que le totalitarisme. Donc il y a des articles de fond qui sont écrits qui contribuent à montrer finalement les dangers en décrivant la réalité du nazisme, des dangers du totalitarisme au sens large. Et je crois que ça a contribué quand même à forger la conviction de ces militants CFTC. Je crois que c'est Blétry qui dit qu'il y a une génération de militants qui s'est trempée à ce moment-là, qui s'est endurcie dans ces luttes. Et Marcel Gonin l'explique bien dans ses... Alors, je rajoute quand même deux points par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que Jean Rochatin, d'origine catholique, dit dans ses mémoires qu'il est tenté par la CGT, qu'il est tenté par la CGT en 1945-1946 à cause de la combativité de la CFDT, à cause de la combativité de la CGT. Oui, parce que c'est là que sont les ouvriers aussi. Mais la CFTC, c'est quand même encore un syndicat d'employés à cette époque-là. Ah, c'est en train de devenir plus ouvrier. Ça change. Mais d'accord. Mais alors, je reprends ça. Et puis, Marcel Gonin, en fait, est de tradition athée, ne va devenir catholique que sur le tard. Et lui aussi est tenté à un certain moment. Mais alors, il y a une autre des raisons qu'il faut donner, que j'ai retrouvée énoncée, par exemple aussi par Jeannette Ravachol, c'est par rapport à la bataille de la production. Et Jean Rochatin, Jeannette Ravachol, Marcel Gonin trouvent qu'à ce moment-là, la CGT est dans la bataille de la production et se soucie relativement peu des conditions de travail et... de la démocratie à l'intérieur du syndicat. Et Jean Rochatin dit que à ce moment-là, il parle d'un meeting particulier où on a parlé que de l'effort de production, sans parler de la condition de vie des mineurs qui est très difficile à l'époque, et que du coup, il décide lui de rester à la CFTC. Et oui, parce que j'abonde tout à fait dans le sens de ce que tu dis. La CFTC porte des discussions, des débats qui devraient être portés par la CGT, notamment sur la question du logement, qui est extrêmement grave dans le bassin stéphanois en 1900. 45 et elle soutient les organisations familiales qui font qui montent une grande exposition sur le logement stéphanois à la mairie en juillet 1945. Et ça, c'est vraiment porté. La question aussi des jeunes travailleurs. Alors que, tu as raison, la CGT est complètement mobilisée sur la bataille de la production. Et elle apparaît, donc ça a été l'habileté de la CFTC, elle apparaît comme un parti, comme un syndicat strictement gestionnaire et qui en vient même à nier des réalités. Là, la question du ravitaillement qui angoisse beaucoup les ménagères. Et puis même, quelquefois, à essayer d'abuser un peu de ça. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Abuser de sa situation, d'une certaine rente de situation. Et c'est ce que la CFTC fait apparaître à travers l'affaire de la SCATS, hein, la Société coopérative des travailleurs du sous-sol, qui en septembre 45, donc c'est une coopérative qui est chargée en fait d'approvisionner les mineurs et qui reçoit les approvisionnements, puisque à l'époque c'est extrêmement surveillé. En septembre 45, la CFTC des mineurs publie un article. Nos mineurs sont approvisionnés en ce qui concerne les suppléments alimentaires auxquels ils ont droit par une société dénommée la SCATS. Ces jours derniers, cette société a reçu un contingent de denrées américaines qu'elle vient de distribuer aux mineurs. Ceux-ci sont scandalisés des prix appliqués, ils en ont assez et se posent de nombreuses questions auxquelles il faudra bien répondre. Et il s'ensuit une bataille médiatique, on va dire ça comme ça, par lequel finalement la CFTC montre qu'elle a levé un lièvre. Hein, c'est-à-dire que là, par l'intermédiaire du ravitaillement, la CGT se constitue, on dirait aujourd'hui, une sorte de clientèle. Mmh. Et il y a ceux qui ont la carte et qui ont droit à plus facilement à recevoir le ravitaillement, et ceux qui doivent payer des prix beaucoup plus élevés. Et ça va créer une tension extrêmement forte, mais qui a touché à l'intérieur des syndicats des mineurs, des populations mineures, dans certains puits, comme notamment à Taloudière, à Roche-la-Molière, ça fait mouche. À la Ricamari, il y a une tradition communiste beaucoup plus implantée. Bon, par solidarité ou par discipline de parti, on ferme un peu les yeux. Mais donc il y a tout ce débat qui a été posé sur cette sorte de fonctionnement curieux qu'adopte la CGT, un fonctionnement de gestionnaire extrêmement dépourvu d'esprit critique vis-à-vis du gouvernement dans lequel il y a des ministres communistes. Et donc ça nous conduit au désastreux résultat des élections de la sécurité sociale au mois de mai 1947. Ouais, c'est ça. Je peux en dire quelques mots. En avril 47. Alors, donc élection à la sécurité sociale. On peut peut-être, à ce que dit Jean-Michel, on peut peut-être ajouter que quand l'UDCFTC a refusé l'unité organique, à chaque fois, même Chacornac disait, mais on est disposé à une unité d'action sur la défense des revendications des travailleurs. Donc, voilà. Et par contre, en février 47, l'UDCGT de la Loire propose à la CFTC de faire des listes communes à la sécurité sociale sur la base de 5 pour la CFTC, sur 18 postes. Il faut juste rappeler que c'est quand même une très vieille revendication du mouvement ouvrier, la gestion des caisses de secours. En 1945, on a créé la sécurité sociale et on offre maintenant à tous les salariés la possibilité de gérer et d'élire les gestionnaires de leur caisse. Donc c'est un moment très important. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors, il se trouve que l'UDCFTC refuse cette offre et que les élections, vont donner dans la Loire 49% des exprimés à la CGT et 24,5% à la CFTC, c'est-à-dire la moitié, un rapport de 1 à 2. Alors, donc, évidemment, l'UDCFTC s'en félicite s'exprime pour dire qu'elle va demander maintenant, René Mathieu dit que maintenant il va demander un rapport de 1 à 2 dans toutes les élections, mais qu'il est bien d'accord que pour travailler à l'unité des travailleurs. Juste un point qu'il faut rajouter et qui explique peut-être ces chiffres-là, c'est que est en train de se former à l'intérieur de la CGT une opposition, en fait, qui va devenir l'opposition force ouvrière, et que sans doute ces chiffres-là de 47 de la CFTC sont un peu surévalués par des votes de militants de la CGT, en fait, qui vont appartenir bientôt à force ouvrière. Oui. Ouais. Oui, non, je rebondis sur... Je pense qu'il faudra qu'on renvoie le débat sur la création de la CGTFO à une autre émission, si Radio Audio veut bien nous accorder encore l'hospitalité. Mais sur ce débat, sur ces résultats des élections à la Sécurité sociale, je confirme, et au-delà, que ça a été un séisme dans la CGT, puisque... il y a un comité central du Parti communiste qui se réunit au mois de mai 45 et 47. 47 pardon, et Benoît Frachon intervient et il fait un état. Alors c'est quand même un vieux militant, il connaît bien la Loire et tout ça, et il s'étonne de ce résultat, comment le curé a pu l'emporter sur les syndicalistes, etc. Et il souffle dans les bronches de Marius Patineau, qui était le secrétaire fédéral de la Fédération communiste de la Loire. Donc ça montre bien que ces élections ont résonné comme une espèce d'avertissement. Et je rappelle quand même que dans les semaines qui suivent, voire les jours qui suivent, ouais, hein, la CGT et le Parti communiste s'engagent dans le mouvement de grève qui commence à Renault. Ils mettent un certain temps, mais ils y viennent. Et c'est le 5 mai que les communistes sont... révoqué du gouvernement. Mmh. Donc on est dans un moment où on bascule de la co-gestion à l'opposition totale. Le Parti communiste et la CGT vont se retrouver dans une situation d'opposition irréductible. Ok, ben histoire à suivre encore et toujours. Alors on n'en a jamais dit assez sur tout ce que vous pourriez raconter. Donc vous reviendrez, j'imagine. Je rappelle que c'était Jean-Paul Benthière et Jean-Michel Stenner, historiens du Grémos, qui nous parlaient de la reconstruction des syndicats dans la Loire après la libération, après la guerre de 39-45. Voilà, je vous rappelle aussi que vous êtes sur Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne, que cette émission sera rediffusée aujourd'hui même à 17h. Et aussi, je vous annonce que la prochaine émission du Grémos sur Radio Dio, ce sera le 21 juin. Et comme c'est le 21 juin, on s'est dit qu'on ferait bien une émission musicale avec des chansons ouvrières stéphanoises. Donc on en a déjà. Mais si jamais vous en avez et que vous avez envie de contribuer et en plus de nous raconter l'histoire de ces chansons, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je vais vous donner le moyen à l'ancienne, c'est la voie postale. Vous pouvez écrire au Grémos à Radio Dio. Pour ça, Radio Dio au 20 rue Henri Dunant, D-U-N-A-N-T, 42100 Saint-Étienne. Voilà, pour contribuer donc à la prochaine émission le 21 juin. Et nous vous souhaitons une bonne journée et vous laissons avec une deuxième chanson de Pete Seeger. Merci à vous. We're brave and gallant miner boys who work in underground. For courage and good nature no finer can be found. We work both late and early and get but little pay to support our wives and children in free America. If Satan took the blacklegs, I'm sure 'twould be no sin. What peace and happiness 'twould be for us poor working men. 8 hours we'd have for working, 8 hours we'd have for play, 8 hours we'd have for sleeping in free America.